Mwen san maman e mwen san papa, mwen pa gen se ti frè myo tout piti. Mwen san maman e mwen san papa, mwen pa gen se ti frè myo tout piti. Si malchance pou mwen vin tombe malade, mes amis sa ki pou kote msekou. Si malchance pou mwen mwen vin tombe malade, mes amis sa ki pou kote msekou. Menaj mwen kite mzami myo lachem, mwen sans affection di mwen sa pou m'pè. Menaj mwen kite mzami myo lachem, mwen sans affection di mwen sa pou m'pè. Se yon sol bagay bon Dieu m'ta souhaité, yon jou pou mwen ta va ouè maman ouè. Se yon sol bagay bon Dieu m'ta souhaité, yon jou pou mwen ta va ouè maman ouè. Ofele, ofele, ki pagè fami. Gagne purgatoire, mwen ta reme konnen kote yo ye. Ofele, ofele, ki pa ge fami. Bon papa pran courage, bon Dieu si bon la soulage pe nou. Prends courage, bon Dieu si bon la soulage peine nous. Ofele, ofele, qui bague informé. Prends tout papa, prends courage, bon Dieu si bon la soulage peine nous.